الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت أخرجه ابن ماجه ولما عمل الصالحون بهذا الإرشاد النبوي الشريف ولما طبق هذا الإرشاد النبوي السابقون الأولون انتفعوا به انتفاعا عظيما قال عز وجل في كتاب الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أي المؤمن أفضل قال أحسنهم خلقا ثم قال يا رسول الله أي المؤمن أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده وأحسنه لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أي أعقل الناس وأذكاهم الموت أمر غيبي الموت أمر غيبي حكم إلهي وقضاء رباني حكم الله عز وجل بالموت على سائر البشرية والموت لا مفر منه قال ربنا في كتاب الكريم أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت فالموت لا مفر منه الموت لا يفرق بين الكبير والصغير ولا بين الغني والفقير ولا بين الشاب والشيخ ولا بين السلطان والرعية الموت يأتي للجميع هذه المصيبة لا تفرق بين أحد من الناس قال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هكذا عباد الله جعل الله سبحانه وتعالى لكل واحد منا وقتا معدودا تنتهي فيه حياتنا وإذا جاء هذا الوقت لا أحد يستطيع رده قال الله سبحانه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا أفضل البشرية سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين الموحدين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والموت يأتي للجميع. قال الله سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وبعد الموت يا عباد الله، وبعد الموت يا عباد الله رجوع إلى الله رب العالمين عالم الغيب والشهادة. وبعد الموت يا عباد الله لقاء الله عز وجل الحساب والجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله عز وجل وهو أرحم الراحمين أن يجعلنا من الفائزين ويحسن خاتمتنا، كما أسأل تبارك وتعالى يغفر لموتانا ويغفر لأمي. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فبعد الموت يا عباد الله حساب وجزاء، ثم جنة أو نار. أسأل الله عز وجل لنا الجنة ونعوذ بالله من النار. فالموت لا مفر منه، أينما تكون يدرككم الموت، الموت لا بد منه. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لغاية عظيمة لتحقيق توحيد الله رب العالمين، لإفراد الله بإخلاص الدين له. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق التوحيد وسلك هدي سيد المرسلين نجح في الدنيا وفاز في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. الانتقال من هذه الدنيا معنى هذا لقاء الله سبحانه وتعالى. فكل منا ينظر على ماذا سيموت، كل واحد منا يحاسب نفسه، فالموت قريب والقيامة كذلك. إياك وطول الأمل، هذا المرض الخطير. حاسب نفسك قبل أن تحاسب يا عبد الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم من الفائزين. الموت مصيبة عظيمة يبتلي الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده. قال الله: إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فسمى الله عز وجل الموت مصيبة. الموت يفرق بين الأحبة، الموت يفرق بين المرء وزوجه، بين صاحب وصاحبه، بين الولد ووالده، بين الابن وأمه الحنون. الموت لا يفرق بيننا يا عباد الله. فعلينا أن نستعد لهذا اليوم العظيم ولا ندري متى ينزل بنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا في الدنيا ويرحمنا في الآخرة، ويغفرنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الناس، شفخه الله سبحانه وتعالى dans le Coran nous appelle à nous rappeler notre retour vers lui. Allah, de par sa grâce et sa grande miséricorde, nous a donné tous les moyens pour ne pas être distraits du retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a entre toi et ce jour que la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage dans de nombreux hadiths, dans de nombreux récits prophétiques, à nous rappeler de notre retour vers Allah azza wa jal, et particulièrement de la mort. Cette chose que tout le monde fuit, mais qui touchera toute personne. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a décrétée et qu'on ne peut repousser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, évoquez souvent la mort, ou il nous dit plutôt, évoquez souvent celle qui brise tous les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, au messager d'Allah, qui est le croyant qui a la meilleure place? Qui est le meilleur des croyants, ô messager d'Allah? Il répondit, celui d'entre vous qui a le meilleur comportement. Puis il lui dit, ô messager d'Allah, quel est le croyant qui est le plus intelligent? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui évoque la mort le plus souvent. Celui qui parle de la mort le plus souvent et qui se prépare le mieux pour ce jour. Voici ceux qui sont intelligents. Voici ceux qui sont intelligents. Allah nous dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Puis c'est vers nous que se fera votre retour. Donc, la mort est une chose inéluctable. Personne ne peut la repousser. Un décret divin, une force qui est au-dessus de l'homme. Lorsqu'Allah décrète, il envoie l'ange de la mort afin de récupérer l'âme de son serviteur. Et il ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme, entre l'enfant et le vieillard, entre l'époux et l'épouse. La mort brise l'ensemble des plaisirs. Elle sépare entre l'homme et son épouse, entre la femme et son mari, entre la mère et son enfant, entre les bien-aimés et les amis. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse et sa toute puissance, a décrété pour chacun d'entre nous. Et c'est comme si les gens essayaient de fuir la mort, alors que c'est une chose inéluctable. Allah nous dit, où que vous soyez, la mort vous attendra. Il nous dit également dans son livre, dit la mort que vous fuyez vous attendra. Puis c'est vers le savant de toutes choses, des choses cachées, que se fera votre retour, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et après la mort, tu reviens vers Allah Azza wa Jal. Après la mort, les choses ne s'arrêtent pas, mais tu seras questionné dans ta tombe. Tu reviendras vers Allah Azza wa Jal. Tu seras jugé, on te remettra ton lit. Tu passeras sur le pont As-Sirat. Puis les gens se diviseront en deux. Une partie qui ira au paradis, qu'Allah nous accorde cela. Une partie qui ira en enfer, qu'Allah nous préserve de cela. Donc on doit avoir peur de la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Mais celui qui a peur de la rencontre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala agit en fonction de cette peur. Par contre, de dire j'ai peur d'Allah mais de rester dans les péchés, de dire j'ai peur d'Allah, j'ai peur de la mort et de rester dans les péchés, de délaisser la salat, de se diriger vers autre qu'Allah Azza wa Jal en égorgeant pour autre qu'Allah, de se rendre auprès des tombeaux, des cimetières pour adorer autre qu'Allah, le fait de se rendre auprès des devins, des marabouts, quelle crainte habite le cœur de cette personne? Ou celui qui délaisse la prière, tantôt il la fait à l'heure, tantôt il la délaisse, quelle crainte il y a dans le cœur de cette personne? La femme qui met le hijab que le vendredi, est-ce qu'elle n'a pas peur que la mort se présente à elle un jour où elle n'a pas le hijab? Alors elle sera ressuscitée ainsi pour comparaître devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'homme qui est loin d'Allah dans les péchés, n'a-t-il pas peur que la mort ne le saisisse ainsi? Ainsi il sera ressuscité chez Allah Azza wa Jal, car chaque personne sera ressuscitée dans l'état dans lequel il est décédé. La mort est une grande épreuve. Allah l'a appelé dans le Coran le grand malheur. La mort est un grand malheur car elle sépare entre les gens et ses bien-aimés et leurs bien-aimés. Et elle ne nous permet plus d'agir, de nous repentir. Celui qui parle souvent de la mort se rapproche d'Allah. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient: si le rappel de la mort se séparait de mon cœur ne serait-ce qu'une heure, alors je serais anéanti. Car ils ont compris qu'en se rappelant que ce bas monde n'avait aucune importance, il leur fallait revenir vers Allah, agir afin de le rencontrer pour avoir sa satisfaction et son agrément. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ce lourd moment et de cette grande difficulté, c'est-à-dire lorsque la mort se présente à son serviteur. كلا إذا بلغت الطراق وقيل من راق وظن أنه الفراق. Allah Azza wa Jal nous parle du moment où la mort, cette grande épreuve, ce grand malheur tombe sur la personne, alors qu'il y a ses proches autour de lui et ils se disent mutuellement: qui est-ce qui peut le soigner? Qui est-ce qui peut réciter le Coran sur lui? Que pouvons-nous faire pour lui? Mais personne ne peut repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاءُ أَيْ أَيْقَنَ مِنْ هَذَا. Il a à ce moment-là la certitude qu'il va se séparer de ce bas monde. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite cela dans plusieurs versets du Coran pour nous faire comprendre que c'est un moment difficile et qu'on doit tous se préparer pour ce jour. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Allah Azza wa Jal nous parle du moment où l'âme atteint la gorge et que l'ange de la mort vient retirer cette âme. C'est une chose très difficile. Et lorsque Fatima radiallahu anha est rentrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette femme pieuse, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entrée chez lui, elle a vu sa grande souffrance et a dit: wa karba abata, oh combien mon père est souffrant, oh combien mon père souffre. Donc si tu vois tes proches souffrir, sache qu'Allah Azza wa Jal a décrété cette chose pour celui qui était meilleur que ton père et meilleur que nos mères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son décès, il souffrait énormément, mais il ne se plaisait pas. Il patientait, endurait, et ses proches enduraient avec lui, car ils ont agréé le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et ont su que ce qu'Allah décrète pour nous est meilleur que ce qu'on veut pour nous-mêmes. Allah Azza wa Jal a plus de miséricorde que toi pour ton défunt, pour celui qui est mort dans ta famille, que tu n'en as pour toi-même. Allah tabaraka wa ta'ala ne décrète pour nous que ce qui est bien. Et lorsqu'Allah décrète et décide de reprendre son serviteur, il nous faut patienter, endurer et être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Car on connaît Allah Azza wa Jal à travers ses noms, à travers ses attributs. On sait qu'il est sage, il est bienfaisant, il est miséricordieux. Et ce qu'il a préparé pour le croyant dans l'au-delà est bien meilleur que tout ce bas monde et ce qu'il peut comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'espace d'un petit bâton que vous possédez au paradis est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il peut contenir. L'espace d'un petit bâton au paradis est meilleur que ce bas monde et que tout ce qu'il peut contenir. Ce bas monde n'a aucune valeur. Ce bas monde n'a aucune valeur auprès d'Allah. Il n'a aucune valeur auprès des anges. Donc il n'a aucune valeur auprès des serviteurs pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc encouragé à nous rappeler de la mort afin de nous repentir et de revenir vers Allah Azza wa Jal, nous préparer pour ce jour qui sera terrible. Et sachez que lorsque la personne ne se rappelle pas de la mort, elle n'agit pas. Elle s'éloigne de l'obéissance d'Allah et se noie dans ses péchés. Alors au moment de mourir, elle déteste rencontrer Allah. Donc Allah déteste la rencontrer, contrairement aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque la personne aime rencontrer Allah, Allah aime sa rencontre. Et s'il déteste rencontrer Allah, Allah détestera sa rencontre. Aïcha dit au message d'Allah: la mort, est-ce que c'est de la mort le sujet que tu traites ici, est-ce la mort? Nous craignons tous la mort et personne n'aime la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: non, ô Aïcha, sache que lorsque le croyant décède, on lui annonce la bonne nouvelle au moment de son décès. Alors il aime rencontrer Allah. Allah alors aime sa rencontre. Ya Allah, fais que nous aimons ta rencontre au moment de mourir. Ya Rabbal Alamin. Quant au pervers, aux mécréants, lorsqu'il décède, on lui annonce la mauvaise nouvelle. Alors il déteste rencontrer Allah. Allah déteste alors le rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle aux croyants qui décèdent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle aux croyants qui décèdent et à ses proches en nous disant, lorsqu'une djinnaza, un cortège funéraire passa devant lui, il a dit Mustarih wa mustarahu min. Il y a des gens qui se reposent et d'autres on se repose d'eux. Alors les compagnons lui ont demandé des explications. Il a dit, le croyant lorsqu'il se sépare de ce bas monde, il s'en repose. Pourquoi? Car ce qu'il attend est bien meilleur. Alors que le pervers, on se repose de lui, car ce qu'il a et ce qu'il attend est bien pire dans l'au-delà. Wallahu musta'an. Donc nous devons nous rappeler souvent la mort afin d'agir comme il plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les malades pour se rappeler la difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les gens lorsqu'ils étaient sur leur lit de mort. Un jour il a visité un jeune homme et il lui a dit, comment est-ce que tu te sens? Le jeune homme lui a répondu, Ya Rasul Allah, arju rahmat Allah wa akhafu azabah. Ô messager d'Allah, j'espère qu'Allah me fasse miséricorde, mais j'ai peur du châtiment d'Allah, il est en train de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sache que ces deux choses ne s'unissent pas sur quelqu'un sans qu'Allah lui accorde ce qu'il espère et le met à l'abri de ce qu'il redoutait. Donc Allah lui accorde sa miséricorde et Allah subhanahu wa ta'ala le préserve du châtiment. Donc celui qui a peur de rencontrer Allah azza wa jal et qui a la certitude qu'il va mourir et revenir vers Allah doit se préparer pour ce jour. Il doit se préparer pour ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était énormément affecté lorsqu'il y avait un décès, car il se rappelait son décès, sa propre mort et son retour vers Allah. Un jour il est venu alors qu'on enterrait un défunt. Avant cela, il s'est assis au bord de la tombe qu'on creusait. Puis il s'est mis à pleurer énormément jusqu'à mouiller la terre avec ses larmes sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit à ses compagnons, c'est pour ce jour-là que nous devrons œuvrer. C'est pour ce jour-là qu'on doit se préparer. Chers frères, chères sœurs, nous allons tous mourir. Qui d'entre nous est prêt à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala? Qui d'entre nous pense qu'Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de lui? Qui d'entre nous s'est repenti de l'ensemble de ses péchés? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis une recommandation à ceux qui perdent des proches, à ceux qui perdent un enfant, un parent, un bien-aimé. Ils doivent savoir que c'est le décret d'Allah. Et ce qu'Allah donne, lui appartient. Et il ne le donne que pour un terme fixé et déterminé. Et lorsqu'il le reprend, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Mais on doit endurer, patienter et invoquer Allah Azza wa Jalla afin qu'il apaise nos poitrines et qu'il accorde la miséricorde à celui qui décède. Et sachez qu'Allah Azza wa Jalla a auprès de lui une grande miséricorde qu'il a accordé aux gens pieux. Et ceux qui ont des malades, aidez-les, visitez-les et mettez-vous à leur service. Dans les hôpitaux, tu vois des gens, personne ne les visite. Ils ont des enfants qui sont préoccupés par ce bas monde et ils laissent leurs parents décédés à l'hôpital sans leur rendre visite et sans prendre soin d'eux de leur vivant. Et ensuite, lorsqu'il est en décès, tu les vois accourir, tu les vois pleurer. Mais où est-ce que tu étais lorsque tes parents étaient vivants? Est-ce que tu t'es occupé d'eux lorsqu'ils étaient vivants? Ou est-ce que tu les délaisses et tu vas avec tes amis? Tu fais devancer tes épouses et tes enfants alors que tes parents ont atteint un âge avancé et tu les laisses et tu ne les considères pas alors que tu es resté 9 mois dans le ventre de cette femme qu'elle t'a mis au monde avec difficulté. Elle a vu la mort entre ses yeux. Elle a patienté avec toi. Elle t'a allaité. Elle a pris soin de toi. Et maintenant qu'elle a atteint l'âge avancé, tu la délaisses. Ittaqullah fi abaikum wa fi ummahatikum. Craignez Allah Azza wa Jal envers vos parents. Car wallahi thumma wallah, personne ne sait lorsqu'Allah Azza wa Jal va reprendre leurs âmes. Un des pieux prédécesseurs, lorsque son père ou sa mère est décédé, il a pleuré longuement. On lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Ne sais-tu pas que ce qui l'attend auprès d'Allah est meilleur? Alors cette personne a répondu, je sais que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur, mais j'avais 2 portes du paradis qui étaient ouvertes devant moi et une porte vient de se fermer devant mon nez. Les parents sont une cause pour entrer au paradis. La bienfaisance envers les parents est une des plus grandes causes pour entrer au paradis. Et sache que si tu as perdu un proche, tu peux encore leur faire du bien. Tu peux encore lui faire du bien même après sa mort. Et Inch'Allah ta'ala, cela fera l'objet d'une prochaine khutbah. Pour conclure un hadith, pour tranquilliser ceux qui perdent des proches ou ceux qui ont des malades auprès d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Yawaddu ahlul afiyah يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقارب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jour de la résurrection, les gens qui dans ce bas monde étaient en bonne santé, les gens dans ce bas-monde qui étaient en bonne santé, lorsqu'ils vont voir la grande récompense qu'Allah va accorder à ceux qui étaient malades dans ce bas-monde, ils auraient aimé dans ce bas-monde se faire découper par des scies. Lorsqu'on va voir la récompense qu'Allah va donner à ceux qui étaient malades dans ce bas-monde, ben les gens qui étaient en bonne santé auraient espéré dans ce bas-monde se faire découper par des scies pour avoir cette récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ. Lorsque le serviteur est malade, Allah lui envoie deux anges. انظروا ماذا يقول لعواده. Puis Allah Azza wa Jalla leur ordonne de regarder et d'écouter ce que va dire le serviteur dans cette épreuve. فَإِذَا هُوَ إِذَا جَاءُوا حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَفَعَ ذَلِكَ. Ensuite les anges viennent pour écouter ce que dit celui qui est malade. S'il dit Alhamdulillah, s'il dit la louange revient à Allah, alors ces deux anges reviennent à Allah et disent à Allah: oh Allah, ton serviteur te loue, oh Allah, ton serviteur fait tes éloges, alors qu'Allah connaît mieux cela que. Alors Allah dit à ses anges: li abdi in tawaffaytuhu an udkhilahu al-jannah. Alors Allah dit aux anges: j'accorde à mon serviteur pour cela, si à la suite de cette maladie je reprends son âme, il meurt, je lui accorde le paradis. Subhanallah, la personne qui est malade et qui endure, voici la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on se réjouit, on annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont des malades, qui sont morts sur l'islam, on espère pour eux le paradis et un grand pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez tous, ma mère, rahimahallah, est décédée mercredi dans l'après-midi. Fas'alullah azza wa jal bi asma'il husna wa sifatil ula an yarhamaha wa yaghfira laha. أسأل الله عز وجل وهو أرحم الراحمين أن يتوب عليها ويتوب علينا. اللهم يا حي يا قيوم, اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لها وارحمها, اللهم اغفر لها وارحمها, اللهم اغفر لها وارحمها, واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصبرنا يا رب العالمين, وصبرنا يا رب العالمين, وصبر أزواجنا, وصبر خالاتي, وصبر أعمامي, وفقنا إلى كل خير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير ويتوفنا مسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. قوم إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله.

sur les reins. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بتتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أحببت بعد حمد الله عز وجل وشكره أن أقدم جزيل الشكر لكل من تعاون معي وعائلتي في هذه المصيبة العظيمة التي خففها الله سبحانه وتعالى عنها وسر لنا فيها كل شيء. وأشكر وأحمد الله عز وجل أن يسر لي والدة أرشدتني إلى الصلاة وحفظتني صغارا وأرشدتني كبارا أسأل الله يغفر لها ويرحمها وأقدم الشكر على الوالد وهو موجود جزاه الله خيرا علمني الفاتحة وبعض قصار السور وحبب إلي القرآن فجزاه الله خيرا وأشكر المسؤولين من هذا المسجد والأحبة كصديقي صادق وفقه الله والزوار من كل مكان وأشكر المصلين ومن حضر الصلاة على أمي رحمها الله والحزن شديد ورحمة الله أوسع فالحمد لله. Je tenais à remercier, après avoir remercié Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ses nombreux bienfaits par lesquels il m'a comblé, je le remercie de m'avoir accordé une mère musulmane qui a vécu sur l'islam et qui est morte sur l'islam après avoir prononcé plusieurs fois shahada, alhamdulillah. Je remercie Allah Azza wa Jal qui m'a accordé une mère qui est la cause de ma présence ici, car c'est elle qui a été la cause finale qui m'a permis de préserver mes prières. Et elle m'a préservé étant petit et m'a orienté étant grand. Fajaza Allahu khayran. Allah la récompense pour le bien qu'elle m'a fait. Ensuite, je remercie mon père qui est présent, qui m'a enseigné le Fatiha et certaines sourates du Coran, et qui m'a fait aimer le Coran et la science, et qui m'a encouragé dans le bien et mis en garde contre le mal. Jazak Allahu khayra, qu'Allah t'accorde la plus grande récompense. Et je remercie les femmes de ma famille qui ont été endurantes et patientes dans cette épreuve. Et je remercie particulièrement ma tante, la sœur de ma mère, qui m'a élevé également et qui est resté chaque jour en sortant du travail auprès de ma mère pendant des mois et qui a fait mieux que nous-mêmes. Fajazah Allahu khayra. Et pour l'ensemble des membres de ma famille également, je remercie mon meilleur ami Sadaq et d'autres frères bien-aimés qui m'ont aidé du début jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui m'aident toujours par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Je remercie également les sœurs de la mosquée qui sont venus aider les femmes chez moi et qui nous ont accordé leur soutien. Monsieur Wan, qui depuis le début m'appelle chaque jour et me demande des nouvelles et qui m'aide et me facilite dans plusieurs choses. Demba et beaucoup d'autres à la mosquée. Ami Abdel Qadir et beaucoup d'autres. Tous ceux qui m'ont aidé au quotidien dans cette épreuve. Le frère Salim, Hamada Mohamed, Hussein, AVS, les frères m'ont beaucoup aidé, m'ont donné beaucoup de conseils durant cette épreuve. Et beaucoup d'autres, si leur nom n'a pas été prononcé sur ma langue, leur nom ne se perd pas chez Allah Tabaraka wa Ta'ala qui sait toutes choses. Al-Ikhwa min al-Yaman, Habidahumullah min al-Madina. Jazakumullahu khayran jami'an. Et tous ceux qui ont participé à la prière sur ma mère, Jazakumullahu khayran jami'an. Et tous ceux qui m'ont aidé pour le transport et pour la suite. Et pour conclure, si j'ai opprimé une personne, je lui demande de m'excuser car je vais voyager demain après-midi pour aller enterrer ma mère au Mali, Inch'Allah Ta'ala. Donc je présente mes excuses à ceux que j'ai pu opprimer volontairement ou involontairement. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. Et après العصر إن شاء الله تعالى il y aura cours. Et mon beau-frère Abdurrahman Dabo, qui est étudiant à l'université de Médine, il a fini ses études, il est en études supérieures. Il va prendre ma place durant mon voyage pour les cours le jeudi et le vendredi après salat al-asr. Et pour ma part, je vais m'absenter pendant environ 5 jours, Allahu A'lam. Donc je serai de retour dans une semaine, peut-être jeudi, Inch'Allah Ta'ala. Donc après l'Asr, il y aura cours, c'est le frère Abdurrahman, le diplômé de l'université de Médine, qui me remplacera, Inch'Allah Ta'ala. Donc je vous demande de bien l'accueillir. Et ceux qui assistent à mes cours, je vous demande d'assister à ces cours, car ces cours sont profitables, c'est un frère qui a la sunnah. Et Allah Azza wa Jal lui a facilité du khayr. Jazakumullahu khayran. Et que ceux qui viennent, qui sont très attristés, sachent que si ça triste pour moi, moi pour ma part, Alhamdulillah. Pour ma part, ça va. Radina billahi rabban. On a agréé ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Et le bien est dans ce qu'Allah Azza wa Jal décide pour nous. Donc je vous demande de ne pas vous attrister au-dessus de ce qui est légiféré. On dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque son fils Ibrahim est décédé. Inna al-ayna tadma' wa inna al-qalba yahzan wa la naqul illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya ummi la mahzunun. Et on ne dit que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes les larmes coulent, le cœur s'attriste, mais on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur. Et certes, je suis triste de me séparer de toi, ô maman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je resterai à la mosquée pour l'après-midi. Jazakumullahu khayran.